Les Québécois sont-ils plus paresseux que les autres ethnies? Ont-ils meilleur? Ont-ils pire? C'est tout pareil. Grande question. J'entends déjà des commentaires et on va élargir le débat après la petite expérience que nous allons vivre live en onde. Mais j'aimerais ça entendre des gens de la restauration, des gens de l'agriculture, des gens de l'île d'Orléans. Et Québécois, là, ou est-ce qu'on est un peuple travaillant? On aime ça au Québec, hein, des fois se lancer des fleurs puis se penser meilleur que les autres, mais puis souvent même avoir des jugements un peu sur les gens d'ailleurs. Mais moi, je connais des gens à l'île d'Orléans qui, même en onde, là, peuvent dire qu'ils veulent rien savoir d'embaucher des Québécois, là. Rien savoir. Et moi, ils veulent pas sortir. Rien, là. C'est pas pour rien qu'il y a des Mexicains partout, dans le coin de Saint-Nicolas, des amis, ou ce que, ou encore à Lille, là, puis dans bien des régions, là. Ils pourraient pas se passer de ces gens-là. Est-ce un préjugé ou une vérité? Chose certaine, écoutez bien la petite annonce sur Kijiji qu'un auditeur nous a pointé du doigt. C'est une dame qui cherche un préposé d'immeuble, hein, pour préparer des déjeuners pour les chambreurs. C'est une maison de chambre dans Limoilou. Alors, distribuer les médicaments selon les dosages, surveillance, faire du ménage, c'est un peu plus que concierge, là. Il y a du ménage, de la surveillance, mais tu fais le déjeuner également, tout ça. Et l'annonce se lit ainsi. Préposé d'immeuble recherché, immigrant en priorité. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? On posera la question tantôt, je suis pas sûr. Mais avant tout, on en est rendu là, là, dans les petites annonces pour les emplois à Québec, à Limoilou, il y a une dame qui dit « pas de Québécois de souche ». Idéalement, ou si vous postulez, vous allez être dernier. « Je veux des immigrants ». On va l'appeler. On va essayer de postuler, moi. Je pense avoir tout, là. À part le fait que je suis Québécois. Ben, t'es un immigrant du Saguenay. Ouais, dans le fond, tu viens pas d'ici. Je vais essayer ça. Alors, c'est une maison de 25 chambres dans le secteur Limoilou qui recherche en priorité des immigrants. Ça sonne pas, Jean. Vous avez joint 4-1-8-2-7-1. Tu tombes sur la boîte vocale? T'es occupé? Pour lui laisser un message, veuillez attendre le signal. Si vous préférez laisser uniquement votre numéro, faites le 1. Essaye de laisser juste le numéro. Si on va essayer de rappeler live, garde, évidemment, on se doutait bien qu'on n'était pas certain de la réponse live. Alors, on l'a déjà fait avec Jean-Simon. On a téléphoné, puis je voulais répéter l'expérience live en ondes, mais j'avoue qu'on s'est baqué. Hein, fait qu'on va faire entendre ce que ça a donné avec Jean-Simon, puis on essaiera quand même, si jamais pas trop au courant, de rappeler live un peu plus tard. Jean-Simon, bon matin. Salut Sylvain. Donc, t'as appelé la dame en question. Me souhaite passer pour un bon travailleur québécois, travaillant, né de parents québécois, recherchant un emploi. OK. Et voici ce que ça a donné. C'est quoi le salaire? Ça, je parle pas au téléphone. Vous parlez pas au téléphone? Je parle en face. Ça, si je trouvais le bon candidat, on va parler. OK, OK. Je me demandais pourquoi sur l'annonce, vous disiez, parce que moi, je suis pas immigrant, là, vous dites immigrant en priorité. Pourquoi vous dites ça sur l'annonce? Parce que je éprouve la mauvaise expérience avec le monde ici ne travaille pas. C'est ça, je dis ça. OK, mais moi, je suis travaillant. Je suis pas immigrant, mais je peux vous dire que je suis travaillant, madame. OK, mais si vous êtes travaillant, on peut travailler quand même ensemble si vous êtes disponible. Bon, okay. Comme tu vois, je suis pas le premier choix. Là. Elle n'est pas complètement fermée, mais la dame dit « J'ai trop eu de mauvaise expérience avec des Québécois. Ça travaille pas des Québécois. » Quelle sorte de réputation qu'on a! Évidemment, là, si on est un grand nationaliste, on va crier aux préjugés, puis ça n'a pas de bon sens, mais elle dit j'aurais aimé ça l'entendre parler. Elle a travaillé combien de Québécois? Quelle expérience elle a eue par rapport aux immigrants? Mais regarde, même si c'est pas elle, là, il y en a d'autres qui nous écoutent à matin, des gens à Lille, des agriculteurs, des restaurateurs. Moi, je peux vous en compter des anecdotes, là, mais c'est pas du vécu à moi, là. 670-9330. 670-9330. Vrai ou faux que les Québécois ont cette réputation-là? Est-ce que c'est mérité ou pas? Juste vous compter que samedi soir passé, je suis dans un restaurant, là. Je sais pas si vous êtes au courant actuellement de ce qui se passe dans les cuisines, mais il manque de monde. Ça a pas de bon sens. Or, c'est plein de Québécois sur le BS puis le chômage, là. S'il y en a, Là, s'il y en a qui le prennent pas de se faire traiter de paresseux, là, vous allez m'appeler, moi, vous trouvez une job à matin, là. Ils savent plus quoi faire. Encore une fois, samedi, un propriétaire de restaurant a fait la plonge pendant 4 heures. Il trouve personne. Et ça, là, c'est multiplié par, il essaie d'aller chercher en France actuellement des gens, des immigrants pour combler les lacunes, les postes dans les restaurants, mais ils sont bloqués. Parce que le fédéral a passé une loi qui est pas mauvaise. C'est quand il y a ben des chômeurs puis des BS à une place, ben on ferme la porte. On rentre plus d'immigrants. On va d'abord faire travailler le monde de chez nous. Mais ils veulent pas! Ils veulent pas! Fait que là, ils font venir du monde en France, pis on a vu ça l'autre jour, ils ont été rabroués à l'aéroport, le cuisinier ou sous-cuisinier, ou ouais, je sais pas trop quoi. Il a été reviré de bord, parce qu'ils rentrent pas dans les quotas. Mais les gens ici, ils voudraient m'embaucher des Québécois. Il y en a pas. 670-9330. Moi, j'avais parlé à un agriculteur également à l'île d'Orléans, un fermier, là, de cette loi-là au fédéral. Les gars, ça te tente-tu, là? On oublie les Mexicains, pis on prend les gens sur le chômage, pis on les force un peu à aller chez vous. Ils ont la chienne. Ils disent, non! Vous allez nous tuer! On l'a déjà essayé! Ça marche pas! Ils veulent pas travailler. Alors que les Mexicains, ils ferment leur gueule, il fait 30, ils mouillent, il fait frette, ça sort dehors, pis go! On les voit un peu partout, là. Mais tu parles des quotas d'immigration, là. La solution pour le vieillissement de la population du maire Labonde, c'est l'émission à l'étranger en France et en Belgique. Ouais, mais il va aller chercher des immigrants, jeunes, pendant qu'on va avoir plein de monde sur le BS et sur le chômage, là. Là, à un moment donné, les lignes se sont remplies juste avant, Jean-Simon. Est-ce que c'est légal, ça? Est-ce qu'on a vérifié si elle a le droit? J'imagine la petite annonce, mettons. Préposé d'immeubles recherchés, blanc en priorité. Là, oublie ça. À mon avis, l'ONU en parle le matin. Le matin, on est à New York, on est à l'ONU, on est partout. T'as pas le droit de faire ça, je pense. J'ai appelé à la commission des droits de la personne et ouais. Je peux dire qu'on a marché sur des œufs. On ne voulait pas commenter le cas précis exactement. Ce qu'on dit, bon, évidemment, il y a des politiques qui sont mises en place pour des chances égales, pour les gens qui sont des minorités visibles, des personnes handicapées. Ça, c'est quelque chose qui existe. Par contre, elle a dit, bon, si dans ce cas-ci, on cherche un immigrant en priorité sans qu'il y ait de raison valable, par exemple, tous les locataires sont des personnes de nationalité chinoise, donc ça prend idéalement quelqu'un qui parle mandarin, là. Si c'est pas le cas, ben là, c'est quelque chose de douteux, mais ça prendrait une plainte pour qu'on puisse aller plus loin. Donc, théoriquement, c'est borderline. Mais le gouvernement le fait. Je suis en train de penser à ça. Le gouvernement du Québec embauche en priorité des gens d'autres nationalités pour se donner une belle image, puis tout. Si le gouvernement du Québec le fait, pourquoi pas elle, à Limoilou? Tant qu'à ça, je vous le dis, la seule discrimination qu'on peut pas faire, c'est celle à l'endroit c'est celle pour favoriser les Blancs. Mais le reste, je pense que c'est permis. Stéphane veut nous jaser. On s'en va au 670-9330 ou studio à commercial FM93.com. Salut Stéphane. Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien, je vous écoute. Yes. Moi, je pense qu'une des problématiques, Bush, c'est l'aide sociale. Parce que si je pense qu'on parle de deux catégories de salaires, là, on parle des salaires minimums. C'est plus payant, selon moi, d'être sur l'aide sociale que de travailler que travailler au salaire minimum. Tu sais, sur l'aide sociale, tu as le droit aux lunettes, tu as le droit aux dents, tu as le droit à bien des avantages que tu n'as pas quand tu es au salaire minimum. Tu sais, une paire de lunettes à 200$, une dentiste à 100$ minimum, à toutes les fois que tu y vas, là. Tu es obligé de les faire des heures en patente pour payer ça, en plus de ton loyer, en plus de ton épicerie pis tout, là. Je pense qu'une des problématiques, c'est ça actuellement sur le terrain, là. Le BS est trop confortable, donc au lieu d'être un genre de coussin de sécurité, c'est rendu un hamac, les gens se sont endormis dedans, puis là, ils sont bien, ils sont confortables. Donc, ça les pousse pas, ça les incite pas à aller travailler. Effectivement, puis ils ont beaucoup plus d'avantages que quand tu es au salaire minimum. Hey, moi, de compter de quoi? Stéphane, écoute bien, puis aux autres aussi, là. Je parlais de restaurant tantôt, j'ai un de mes amis qui en a un dans le Vieux-Québec, qui m'a amené, il est allé à l'Aube-Rivière, il n'y avait pas de personne faire la plonge, il offrait un salaire en haut du salaire minimum, et il pensait être le héros du jour, que le monde allait se garrocher puis se battre pour aller prendre le poste. Est-ce que vous savez ce qui s'est fait répondre? Il y en a un qui a dit, bien intelligemment, là. Il a dit, excuse-moi, là, tu veux vraiment qu'on aille 5 heures dans ton resto laver de la vaisselle? Je vais aller m'asseoir le cul sur ton trottoir en face de chez vous, m'en aller quêter pendant 1 heure. Plus mon BS, m'a fait plus d'argent. Fait que garde, j'ai aucune raison d'aller là. Effectivement, c'est en plein ça. Puis moi, j'envoie tous les Mexicains chez nous. Je sais, je reste à Saint-Nicolas, dans les chanterelles, ils sont là. Ils commencent à 6 heures le matin, ça finit à 7, 8 heures le soir. C'est des gens qui travaillent fort, effectivement. Puis nous, on n'a pas ça, là. Je pense que c'est la problématique, c'est qu'ils sont trop gâtés actuellement sur l'aide sociale. Ils devraient avoir des heures minimum travaillées dans des restaurants comme ça ou dans des chanterelles ou quoi que ce soit pour avoir à droit à leur chèque aussi, là. Selon moi, ce que je ferais, là. Et en plus, ils viennent ici de 6 mois, on leur donne l'assurance maladie. Vous savez qu'on leur donne plein d'avantages sociaux, là. Oui, non, t'as effectivement raison. Puis je suis un ancien producteur agricole aussi, là. Dans le temps, j'étais sur une ferme de terre, puis j'avais de la misère à trouver de la main-d'œuvre l'été pour aller au fond, puis tout ça, je peux te le garantir, là. C'est pas facile, là. C'est pas facile. Hey, merci beaucoup, Stéphane. Merci. Bonsoir. Salut. Fait qu'il y a-tu un scandale dans le fait qu'à Limoilou, pour une maison de chambre, on recherche des immigrants en priorité? Mais si j'écoute autour de moi les témoignages, il n'y a pas de scandale. Mais à moins que, des fois, un bon petit coup de pied dans le cul, sans, tu sais, l'expression, là. Tu sais, quand ça va bien, t'es sur le BS, il n'y a aucune obligation d'aller travailler. Comme Stéphane l'a bien dit, t'as les dents, t'as les yeux, t'as la garderie, CPA, les garderies qui vont coûter plus cher, 10$. La journée, selon la presse, ben, c'est encore accessible pour les BS, gratuitement. Et des fois, je suis convaincu qu'au début, ils vont trouver ça dur. Il y en a qui n'ont rien à faire avec eux. Je veux pas mal parler, mais je pense qu'il y en a que c'est terminé, là. Ils travailleront jamais de leur vie, là. Ils sont juste pas capables. Juste pas au même niveau. Mais, pour les autres, mettons qu'on en sort le tiers, c'est même ambitieux, peut-être pas la moitié, mais le tiers, qu'on réussit à remettre au travail un peu, on serait gagnant. 8h13, ça répond pas, hein? On l'a-tu réessayé? On a réessayé, ça répond pas. 8h14.